le 2 janvier, au soleil levant, les voyageurs franchirent la limite de ces régions. Quelques heures après, ils passaient à gué la Colban et la Compass Rivers. La moitié du voyage était accomplie. Encore 15 jours d'une traversée aussi heureuse et la petite troupe atteindrait les rivages de la baie Twofold. Un mille, après avoir traversé la route de Kilmore, le chariot s'enfonça sous un massif d'arbres géants. Les voyageurs pénétrèrent dans une de ces forêts qui couvrent une superficie de plusieurs degrés. Ce fut un cri d'admiration à la vue des eucalyptus hauts de 200 pieds dont l'écorce fangeuse mesurait jusqu'à 5 pouces d'épaisseur. Les troncs, de 20 pieds de tour, sillonnés par les baves d'une résine odorante, s'élevaient à 150 pieds au-dessus du sol. Pas une branche, pas un rameau, pas une pousse capricieuse, pas un nœud même n'altérait leur profit. Ils ne seraient pas sortis plus lisses de la main du tourneur. C'était autant de colonnes, exactement calibrées, qui se comptaient par centaines. Elles s'épanouissaient à une excessive hauteur en chapiteaux de branches contournées et garnies à leur extrémité de feuilles alternes. À l'aisselle de ces feuilles pendaient des fleurs solitaires dans lesquelles figurait une urne renversée. Les chevaux, les troupeaux de bœufs, les chariots pouvaient passer à l'aise entre ces arbres largement espacés. Un tapis d'herbe au pied des arbres, une nappe de verdure à leur sommet, de longues perspectives de piliers hardis, peu d'ombre, peu de fraîcheur en somme, une clarté spéciale et semblable aux lueurs qui filtrent à travers un mince tissu, des reflets réguliers, des miroitements nets sur le sol. Tout cet ensemble constituait un spectacle bizarre et riche en effets neufs. La forêt du continent océanien ne rappelle en aucune façon les forêts du Nouveau Monde. Et l'eucalyptus, le tara des aborigènes, est l'arbre par excellence de la flore australienne.